Bernique à son rocher, violon à son archer, araignée à sa toile, et le berger à son étoile, comme un drogué à sa seringue, eux en devenir dingues, comme un camé à son rêve, même si un matin il en crève, moi, je suis accroché à toi. Moi, je suis accroché à toi. Même si parfois tu dis que mes mains ne servent qu'à caresser les chiens, même si tu glisses dans d'autres bras que les mots que je t'ai donnés tout bas, même si je suis qu'un petit chanteur qui pleure et tremble sous les projecteurs, même si les hommes me font peur jusqu'à mon dernier battement de cœur. Bernique à son rocher, violon à son archer, araignée à sa toile, et le berger à son étoile. Moi, je suis accroché à toi. Même si un jour tu me quittes en disant qu'ailleurs la vie existe, ne va pas dire aux autres que j'ai niché sous tes fenêtres, jouant avec des allumettes, en rêvant que peut-être. Ne va pas dire aux autres, aux journalistes qui s'en foutent, que j'ai joué de déroute en déroute, à la roulette du verbe aimer, qu'à la manière d'un gosse idiot, qui s'est brûlé avec un mégot et qui ne sait que pleurer. Et puis même si tu me quittes, je resterai cet enfant triste qui s'est accroché à toi comme un camé à son rêve. Même si un matin il en crève, je suis accroché à toi, je suis accroché à toi. Bernique à son rocher, violon à son archer, araignée à sa toile, et le berger à son étoile, comme un drogué à sa seringue, peut en devenir dingue, comme un camé à son rêve, même si un matin il en crève. Moi, je suis accroché. Moi, je suis accroché à toi. Moi, je suis accroché à toi.